Attendez, attendez, monsieur l'agent, j'arrive. Vous avez mal garé la voiture, vous le savez. Je suis désolé, je pars tout de suite. Mais vous êtes sur le trottoir. Les piétons ne peuvent pas marcher. Vous n'avez pas mis le clignotant. Du calme. Maintenant, il n'y a pas de trafic. Je ne suis pas énervé, mais je dois vous dresser une amende. Une amende? Mais si c'est un moment, je suis en train de retirer mon argent du distributeur. Je dois faire mon travail. Imaginez que toutes les personnes font la même chose. Ça dépasse les bornes. C'est parce que je suis une femme, n'est-ce pas? Je ne peux pas payer l'amende. J'en ai marre des femmes. Elles croient qu'elles ont tous les droits. J'en ai marre des agents de police. Ils m'énervent.